MC numéro 12, Vasquez comme toujours. Je cause à mon tour, va faire un tour si tu n'adhères pas. L'essence du 92 s'élève à nouveau, pas des perdants, libres comme l'air, fiers du savoir engrangé. On a choisi de se ranger, on a trouvé le moyen de réinventer nos trappes. Une sacrée force de frappe, de force de la nature qui ont maîtrisé la foudre. Au fur et à mesure, le temps nous donne raison, de la poudre aux yeux. Voilà comment on est nourri, chouri à la longue. On sépare, on se punit, on sneak, laisse du neuf. Celui qui déteste, t'es jamais en reste. Y'a du monde qui acquiesce. Sur la haute tension, je poursuis l'ascension, toujours en progression. Dip numéro 12, dis monsieur Rodriguez, comment on se retrouve? J'espère, c'est clair. Je suis pas instructeur, juge du hip-hop aux tensions, donc je suis le fil conducteur. Tout peut-être moteur, tout peut-être un frein, ne pas perdre l'essence, parcourir son chemin, cultiver le doute et non la déroute. Pas à pas, mais à pas certain, rien n'arrête la foi, rien n'arrête la fin. Les portes se ferment et on ferme nos gueules. Enterrez vos gueules, c'est nos mots de cœur qu'on pleure, sourire moqueur. Note que seule la franchise et la foi peuvent nous mettre au beurre. La rue c'est rude, le dos tourné à la serrure. Iblis t'appelle, dur de contourner ses ruses. S'infiltrer, c'est jouer à la roulette russe. Les faibles squattent les ponts, les gares et les arrêts de bus. Je me détruis la vie à me tuer la voix. Seule la foi apaise ma soif, faut serrer les dents, pas le choix. Casse-toi, va vendre ta caille ailleurs. Déjà trop de bis de gamme, d'Aya et de Bavaria. Tête dure et petit moyen, annonce l'arrivée de Bougnoula, tout éco-citoyen. Lâchez les meuhards, les démons s'acharnent. Pas le temps de pas chave, pas année monte à la charge. Tout peut-être moteur, tout peut-être un frein, ne pas perdre l'essence, parcourir son chemin, cultiver tout et non la déroute. Pas à pas, mais à pas certain, rien n'arrête la foi, rien n'arrête la fin. Tout peut-être moteur, tout peut-être un frein, ne pas perdre l'essence, parcourir son chemin, cultiver tout et non la déroute. Pas à pas, mais à pas certain, rien n'arrête la foi, rien n'arrête la fin. C'est toujours l'histoire de ces jeunes partis, pas grand chose, défendre contre de sacrées perspectives de névrose. C'est toujours de l'émotion à bonne dose, parce que rien n'est jamais acquis. Le genre terrain où y'a de quoi creuser à vie. L'idée préconçue, des idéaux morts vivants, des convaincus, des arrogants, des déçus et des perdus, d'éternels adolescents. Tout un tas d'enfants gâtés, jamais contents, ouais. Ça m'a pris du temps, mais je peux l'avouer maintenant, faut tout. Et plus encore, libre d'exprimer le désaccord, toujours avec plaisir, à connaître et à définir. De l'argent à prendre, et des nerfs à détendre. À l'ombre de mes barrières, je tiens pas à me cacher de la lumière. La chance d'une vie intense donne matière à extraire. De la vieille école ou ancien de la nouvelle, c'est sans importance, tant que les uneufs conservent l'essence. Tout peut-être moteur, tout peut-être un frein, ne pas perdre l'essence. Parcourir son chemin, cultiver tout et non la déroute. Pas à pas, mais à pas certain, rien n'arrête la foi, rien n'arrête la fin. Tout peut-être moteur, tout peut-être un frein, ne pas perdre l'essence. Parcourir son chemin, cultiver tout et non la déroute. Pas à pas, mais à pas certain, rien n'arrête la foi, rien n'arrête la fin. 2005, haute tension, basané, laisse du neuf, la distrib, vapo, daout, j'ai le temps.